Que se passe-t-il si vous laissez tomber une voiture et, disons, un parapluie dans un espace sans air? Eh bien, sans air, les deux se déplacent de la même manière. Mais il faut bien reconnaître que les occasions de conduire dans une chambre à vide sont plutôt rares. C'est pourquoi le design avancé du nouveau Skoda Enyaq vous garantit une conduite aussi fluide où que vous alliez. Nouveau Skoda Enyaq, à découvrir dès maintenant à partir de 509 euros par mois. Skoda.